Nous étions amis, mais tu as voulu me prendre ce grand monde. Moi j'aime le plus, tu le sais comme moi. Tu n'aurais pas dû, oh non, tu n'aurais pas dû.